Chapitre 7e. Monsieur Pascal, à l'aspect d'Antonine, qu'il voyait pour la seconde fois dans la matinée, était, nous l'avons dit, resté un instant stupéfait de surprise et d'admiration devant cette beauté si candide, si pure. « Enfin, vous voilà donc !» dit Charles Duterte avec expansion, en tendant ses deux mains à monsieur Pascal lorsqu'il se trouva seul avec lui. « Savez-vous que nous commencions à douter de votre exactitude ? Toute la semaine, ma femme et moi, nous nous faisions une joie de cette matinée, car après l'anniversaire de la naissance de nos enfants, le jour que nous fêtons avec le plus de bonheur, c'est celui d'où a daté, grâce à vous, la sécurité de leur avenir. C'est si beau, si doux de se sentir, par la reconnaissance et par le cœur, à la hauteur d'un de ces actes généreux qui honorent autant celui qui offre que celui qui accepte. » Pascal ne parut pas avoir entendu ces paroles de M. Duterte et lui dit « Quelle est donc cette toute jeune fille qui sort d'ici ? Mademoiselle Antonine Hubert. Est-ce qu'elle serait parente du président Hubert qui a été dernièrement si malade ? C'est sa nièce. Ah ? » fit Pascal en réfléchissant. « Vous savez que si mon père n'était pas des nôtres, reprit M. Duterte en souriant, notre petite fête ne serait pas complète. Je vais l'avertir de votre arrivée, mon bon monsieur Pascal. » Et comme il faisait un pas vers la porte de la chambre du vieillard, monsieur Pascal l'arrêta d'un geste et lui dit « Le président Hubert ne demeure-t-il pas ?» Et comme il hésitait, Duterte ajouta « Rue du Faubourg Saint-Honoré. Le jardin touche à celui de l'Élysée Bourbon. » « Et y a-t-il longtemps que cette jeune fille habite chez son oncle ?» Duterte, assez surpris de l'insistance de M. Pascal au sujet d'Antonine, reprit « Il y a 3 mois environ que M. Hubert est allé chercher Mademoiselle Antonine à Nice, où elle était restée après la mort d'une de ses parentes. » « Et Mme Duterte est fort liée avec cette jeune personne ?» À la pension où elles étaient ensemble, Sophie lui servait de mère, et elles sont restées dans les termes de la plus tendre affection. « Hein ?» fit encore Pascal, et de nouveau il parut réfléchir profondément pendant quelques instants. Cet homme possédait une grande et rare faculté qui avait contribué à sa prodigieuse fortune, ainsi que l'on ouvre et que l'on ferme à volonté certains casiers. M. Pascal pouvait momentanément se détacher à son gré des plus profondes préoccupations pour entrer froidement dans un ordre d'idées complètement opposé à celle qu'il venait de quitter. Ainsi, après l'entrevue de Franz et d'Antonine, qui l'avait surpris et dont il s'était trouvé si terriblement ému, il retrouvait toute sa liberté d'esprit pour causer d'affaires avec l'archiduc et le torturer. De même, après cette dernière rencontre avec Antonine chez Duterte, il ajourna, pour ainsi dire, ses violents ressentiments, ses projets au sujet de la jeune fille, et s'occupant de toute autre chose, il dit au mari de Sophie avec bonhomie « En attendant le retour de votre chère femme, mon ami, j'ai à vous demander un petit service. »« Enfin !» s'écria Duterte radieux en se frottant joyeusement les mains. « Enfin ! Mieux vaut tard que jamais. Vous avez eu pour caissier un nommé Marcelange ? Malheureusement pour moi. »« Malheureusement ? Il a commis ici, non pas un acte d'improbité, à aucun prix je ne lui aurais épargné la punition de sa faute. » Mais il a commis un acte d'indélicatesse dans des circonstances telles qu'il m'a été démontré que cet homme était un misérable et je l'ai chassé. Marcelange m'a dit qu'en effet vous l'aviez renvoyé. « Vous le connaissez ? » reprit Duterte très surpris en se rappelant les paroles de son père. « Il y a quelques jours il est venu chez moi. Il désirait entrer dans la maison Durand. Lui, chez des gens si honorables ? Pourquoi pas ? Il a bien été employé chez vous. Mais... « Ainsi que je vous l'ai dit, mon bon monsieur Pascal, je l'ai chassé dès que sa conduite m'a été connue. »« Bien entendu. Seulement comme il se trouve sans place, il faudrait, pour entrer dans la maison Durand, qui est prête à accepter ses services, il faudrait, dis-je, à ce pauvre garçon, une lettre de recommandation de votre part. Avec cette garantie, il est accepté d'emblée. Or, cette lettre, mon cher Duterte, je venais tout bonnement vous la demander. » Après un moment de brusque étonnement, Duterte ajouta en souriant « Après tout, cela ne doit pas m'étonner, vous êtes si bon. Cet homme est rempli de finesse et de fausseté. Il aura surpris votre bonne foi. » Je crois en effet, Marcelange, très fin, très madré. Mais cela ne peut vous empêcher de me donner la lettre dont je vous parle. » Du Tertre crut avoir mal entendu ou s'être mal fait comprendre de M. Pascal. Il reprit. « Pardon, je vous ai dit que... » « Vous avez à vous plaindre d'un acte d'indélicatesse de la part de ce garçon. Mais qu'est-ce que cela fait ?»« Comment, M. Pascal, qu'est-ce que cela fait ?»« Sachez donc qu'à mes yeux, l'action de cet homme n'était plus condamnable encore peut-être qu'un détournement de fond. » « Je vous crois, mon brave Du Tertre, je vous crois. Il n'est pas de meilleur juge que vous en matière d'honneur. » Le Marcelange, me semble, il est vrai, un rusé compère. Et s'il faut tout vous dire, c'est à cause de cela que je tiens beaucoup à ce qu'il soit recommandé par vous. » Franchement, monsieur Pascal, je croirais agir en malhonnête homme en favorisant l'entrée de Marcelange dans une maison respectable à tous égards. Allons, faites cela pour moi, voyons. Ce n'est pas sérieusement que vous me parlez ainsi, monsieur Pascal. C'est très sérieusement. Après ce que je viens de vous confier tout à l'heure. Eh, mon Dieu, oui. Vous, l'honneur et la loyauté même. Moi, l'honneur et la loyauté en personne. Je vous demande cette lettre. Du Tertre regarda d'abord M. Pascal avec stupeur. Puis, ensuite d'un moment de réflexion, il reprit d'un ton d'affectueux reproche. « Ah, monsieur, après une année écoulée, cette épreuve était-elle nécessaire ? Quelle épreuve ? Me proposer une action indigne, afin de vous assurer si je méritais toujours votre confiance. » « Mon cher Du Tertre, je vous répète qu'il me faut cette lettre. Il s'agit pour moi d'une affaire fort délicate et fort importante. » M. Pascal parlait sérieusement. Du Tertre ne pouvait plus en douter. Il se souvint alors des paroles de son père, des pressentiments de sa petite fille, et, saisi d'un vague effroi, il reprit d'une voix contrainte. « Ainsi, monsieur, vous oubliez la grave responsabilité qui pèserait sur moi si je faisais ce que vous désirez ?»« Et mon Dieu, mon brave Du Tertre, si l'on demandait à ses amis que des choses faciles !»« C'est une chose impossible que vous me demandez, monsieur. »« Allons donc, vous me refusez cela, à moi. »« Monsieur Pascal, » dit Du Tertre, d'un accent à la fois ferme et pénétré, « je vous dois tout. » Il n'y a pas deux jours où mon père, ma femme et moi, nous nous rappelions qu'il y a un an, sans votre secours inespéré, notre ruine et celle de tant de gens que nous faisons vivre étaient immanquables. Tout ce que la reconnaissance peut inspirer d'affection, de respect, nous le ressentons pour vous. Toutes les preuves de dévouement possibles, nous sommes prêts à vous les donner avec joie, avec bonheur, mais... un mot encore et vous me comprendrez. » reprit M. Pascal en interrompant Du Tertre. Puisqu'il faut vous le dire, j'ai un intérêt puissant à voir quelqu'un à moi, tout à moi, vous entendez bien, tout à moi, dans la maison Durand. Or, vous concevez, en tenant ce Marcelange par la lettre que vous me donnerez pour lui, et par ce que je sais de ses antécédents, je me fais de lui une créature, un instrument aveugle. Ceci est tout à fait entre nous, mon cher Du Tertre, et... comptant sur votre discrétion absolue, j'irai même plus loin. Je vous dirai que... pas un mot de plus à ce sujet, monsieur. Je vous en conjure. » S'écria Du Tertre avec une surprise et une douleur croissante, car il avait cru jusqu'alors M. Pascal un homme d'une extrême droiture. « Pas un mot de plus. Il est des secrets dont on n'accepte pas la confidence. Pourquoi »« Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent devenir très embarrassants, monsieur. Vraiment ? Les confidences d'un vieil ami peuvent devenir gênantes. Soit, je les garderai. Alors donnez-moi cette lettre, sans plus d'explication. Je vous répète que cela m'est impossible, monsieur. » M. Pascal brida ses lèvres et plissa imperceptiblement ses sourcils. Aussi surpris que courroucé du refus de Du Tertre, il avait peine à croire, dans l'ingénuité de son cynisme, qu'un homme qu'il tenait en sa dépendance eût l'audace de contrarier sa volonté ou le courage de sacrifier le présent et l'avenir à un scrupule honorable. Cependant, comme M. Pascal avait un intérêt véritablement puissant à obtenir la lettre qu'il demandait, il reprit avec un accent d'affectueux reproche. « Comment ? Vous me refusez cela, mon cher Du Tertre, à moi, votre ami ? Je vous le refuse surtout à vous, monsieur. » qui avait eu assez de foi dans ma sévère probité pour m'avancer, presque sans me connaître, une somme considérable. Allons, mon cher Duterte, ne me faites pas plus aventureux que je ne le suis. Est-ce que votre probité, votre intelligence, votre intérêt même, et en tout cas le matériel de votre usine, ne me garantissent pas mes capitaux? Est-ce que je ne me trouve pas toujours dans une excellente position par la faculté que je me suis réservée d'exiger le remboursement à ma volonté? Faculté dont je n'userai pas d'ici à bien longtemps, que je sache. Je m'intéresse trop à vous pour cela. » se hâta d'ajouter M. Pascal, en voyant la stupeur et l'angoisse se peindre soudain sur les traits de Duterte. « Car enfin, supposons, et ce n'est là, Dieu merci, qu'une supposition, supposons que dans l'état de gêne et de crise excessive où se trouve à cette heure encore une fois l'industrie, je vous dise aujourd'hui, « Monsieur Duterte, j'ai besoin de mon argent avant un mois, et je vous ferme mon crédit. »« Grand Dieu !» s'écria Duterte, consterné, épouvanté à la seule supposition d'un pareil désastre. « Mais je tomberai en faillite. Mais ce serait ma ruine, la perte de mon industrie. Il faudrait travailler de mes mains, peut-être, si je trouvais un emploi, afin de faire vivre mon père infirme, ma femme et mes enfants. Voulez-vous bien vous taire, méchant homme, et ne pas me mettre de si affligeantes idées sous les yeux? Vous allez me gâter ma journée !» s'écria M. Pascal avec une bonhomie irrésistible et en prenant les deux mains de Duterte avec les siennes. « Parlez ainsi, aujourd'hui, et moi qui, comme vous, me faisais une fête de cette matinée. Eh bien, qu'avez-vous? Vous voici tout pâle maintenant ?»« Pardon, monsieur, » dit Duterte en essuyant les gouttes de sueur froide qui coulaient de son front, mais à la seule pensée d'un coup si inattendu, qui frapperait ce que j'ai de plus cher au monde, mon honneur, ma famille, mon travail. Ah, tenez, monsieur, vous avez raison. Éloignons cette idée, elle est trop horrible. Eh, mon Dieu, c'est ce que je vous disais, n'attristons pas cette charmante journée. » Aussi, pour en finir, reprit allègrement M. Pascal, bâclons de suite les affaires, bidons notre sac, comme on dit. Donnez-moi cette lettre et n'en parlons plus. Duterte tressaillit. Une affreuse angoisse lui serra le cœur. Il répondit. Une pareille insistance m'étonne et m'afflige, monsieur. Je vous le répète, il m'est absolument impossible de faire ce que vous désirez. Mais, grand enfant que vous êtes, mon insistance même vous prouve l'importance que j'attache à cette affaire. Il se peut, monsieur. Et pourquoi y attachais-je autant d'importance, mon brave Duterte? Parce que cette affaire vous intéresse autant que moi. Que dites-vous, monsieur? Eh, sans doute. Ma combinaison de la maison Durand manquant, puisque votre refus m'empêcherait d'employer ce coquin de Marcelange selon mes vues, vous ne voulez pas de mes secrets, je suis bien forcé de les garder. Peut-être serais-je obligé, pour certaines raisons, ajouta M. Pascal en prononçant lentement les mots suivants et en attachant sur sa victime son regard clair et froid, peut-être serais-je obligé, et cela me saignerait le cœur, de vous redemander mes capitaux et de vous fermer mon crédit. « Oh mon Dieu !» s'écria Duterte en joignant les mains et devenant pâle comme un spectre. « Voyez un peu, vilain homme, dans quelle atroce position vous me mettriez. Me forcer à une action qui, je vous le répète, me déchirerait l'âme. Mais, monsieur, tout à l'heure encore, vous m'assuriez que... Eh, parbleu! Mon intention serait de vous les laisser le plus longtemps possible, ces malheureux capitaux. » Vous m'en payez les intérêts avec une ponctualité rare. Le placement était parfait, et grâce à l'amortissement convenu, vous étiez libéré dans 10 ans, et j'avais fait une excellente affaire en vous rendant service. « En effet, monsieur, » murmura Duterte anéanti, « telles avaient été vos promesses, sinon écrites du moins verbales, et la générosité de votre offre, la loyauté de votre caractère, tout m'avait donné la confiance la plus entière. » Dieu veuille que je n'ai pas à dire la plus téméraire, la plus insensée dans votre parole. Quant à cela, mon cher Duterte, mettez-vous en paix avec vous-même. À cette époque de crise commerciale, au moins aussi terrible que celle d'aujourd'hui, vous n'eussiez trouvé nulle part les capitaux que je vous ai offerts à un taux si modéré. Je le sais, monsieur. Vous avez donc pu, vous avez même dû, forcé par la nécessité, accepter la condition que je mettais à cet emprunt. « Mais, monsieur, » s'écria Duterte dans un effroi inexprimable, « j'en appelle à votre honneur. Vous m'aviez formellement promis de... »« Eh, mon Dieu, oui, je vous avais promis. sauf la force majeure des événements. Et malheureusement, votre refus à propos de cette pauvre petite lettre crée un événement de force majeure qui me met dans la pénible, dans la douloureuse nécessité de vous redemander mon argent. Mais monsieur, c'est une action indigne que vous me proposez là, songez-y donc. À ce moment, on entendit au dehors le rire doux et frais de Sophie du Tertre qui s'approchait. « Ah, monsieur !» s'écria son mari, « pas un mot de cela devant ma femme, car ce ne peut pas être là votre dernière résolution, et j'espère que... » Charles du Tertre ne put achever, car Sophie entra dans le salon. Le malheureux homme ne put faire qu'un geste suppliant à Pascal, qui répondit par un signe d'affectueuse intelligence.